Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je pense? C'est quoi penser? Est-ce que formuler des phrases dans ma tête, ça suffit à dire que je pense? Voyez où je veux en venir avec cette phrase. Je ne sais pas ce que je pense. On utilise penser pour bien des choses, du genre douter, mesurer, réfléchir, etc. Peu importe même, finalement, l'activité précise. Comme si d'ailleurs la pensée avait des activités très différentes, sans doute, qu'elle n'était qu'un socle, un espace, un lieu sans lieu, ou des choses, des opérations de l'esprit, comme on dit peut-être, des réflexions, bref, des activités qui sont propres à soi, mais qui ne sont pas du corps, en tout cas, dont un aspect n'a rien à voir avec le corps. Bien sûr, quand on dit bien sûr, il faut se méfier. Bien sûr, ça nous amènerait à nous demander ce qu'est le corps, ce qu'est l'esprit. Peut-être bien, à sentir en soi ce qu'est penser, on en viendrait même à douter de la séparation du corps et de l'esprit, comme si cette distinction n'avait finalement pas lieu d'être et que, en disant que la pensée appartient à l'esprit et non au corps, c'est peut-être, en fin de compte et tout compte fait, qu'on se représente très mal ce qu'on est. Est-ce qu'on peut affirmer, savoir ce qu'est un être qui pense ou une chose qui pense, puisque c'est bien quelque part, mal dit, un corps qui pense également? En gros, si je ne sais pas ce que je pense, ou ce que ça signifie vraiment, c'est peut-être que je pense justement tout aussi mal, d'autant plus mal, que j'oublie même de le considérer, ce que je suis, moi, que j'appelle une chose pensante. Passons donc aux attributs de l'âme, et voyons s'il y en a quelques-unes qui soient en moi. Les premiers sont de me nourrir et de marcher. Mais s'il est vrai que je n'ai point de corps, il est vrai aussi que je ne puis marcher ni me nourrir. Un autre est de sentir. Mais on ne peut aussi sentir sans le corps. Outre que j'ai pensé sentir autrefois plusieurs choses pendant le sommeil, que j'ai reconnu à mon réveil n'avoir point en effet senti. Un autre est de penser. Et je trouve ici que la pensée est un attribut qui m'appartient. Elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j'existe. Cela est certain. Mais combien de temps? À savoir, autant de temps que je pense. Car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même temps d'être ou d'exister. Je n'admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai. Je suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui sont des termes dont la signification m'était auparavant inconnue. Or, je suis une chose vraie et vraiment existante. Mais quelle chose? Je l'ai dit, une chose qui pense. Je pense, je suis. C'est peut-être la formule la plus philosophique de Descartes, plutôt que le cogito ergo sum qu'on aime à répéter parce que la formule claque comme un slogan. Mais le donc ne sert à rien dans la proposition « je pense, je suis ». Moi, j'imagine Descartes penser justement, en train de se promener ou en train de méditer dans un coin de son appart. Et ce qu'il sent, ce n'est pas un donc, parce que donc vient après, c'est un raisonnement, un connecteur logique de conséquences. Or, la pensée philosophique ne fonctionne pas de cette façon, parce qu'il y a du pré-philosophique. Il y a un truc senti par Descartes, il ne s'est pas dit « je pense, donc je suis ». Il s'est même dit avant cela « ego sum ». Ego existo, je suis, j'existe. Parce que ça voulait déjà tout dire. Il y avait tout dans la formule, puisqu'elle était formulée. Il n'y a pas besoin du je pense, en fait, c'est simultané. Penser, je suis, c'est nécessairement penser. Et il n'y a pas de je suis formulé sans un je pense. Lorsqu'on dit tiens, j'ai une idée. Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. C'est pas courant. Et d'autre part, avoir une idée, c'est pas quelque chose de général. On n'a pas une idée en général. Une idée, elle est déjà vouée. Tout comme celui qui a l'idée est déjà voué à tel ou tel domaine. Je veux dire que une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en musique, tantôt une idée en théâtre, tantôt une idée en musique, tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en roman, tantôt tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. Et inséparables du mode d'expression, si bien que je ne peux pas dire « j'ai une idée en général ». En fonction des techniques que je connais, je peux avoir une idée dans tel domaine, une idée en cinéma, ou bien un autre, une idée en philosophie. Qu'est-ce qu'avoir une idée en quelque chose? Donc, je repars du fait, je fais de la philosophie, vous faites du cinéma. Alors ce serait trop facile de dire, ben oui, la philosophie, tout le monde sait qu'elle est prête à réfléchir sur n'importe quoi. Donc pourquoi elle ne réfléchirait pas sur le cinéma? Or, c'est une idée indigne. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi. Et n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je dis... En traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sûre, on a l'air de lui donner beaucoup et en fait on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Je veux dire, les seuls gens capables effectivement de réfléchir sur le cinéma, ce sont les cinéastes, ou les critiques de cinéma, ou ceux qui aiment le cinéma. Ils n'ont absolument pas besoin de la philosophie pour réfléchir sur le cinéma. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça, on ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste ne se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité, sinon il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe, il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. Je dis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire j'essaie d'inventer des concepts. J'essaie pas de réfléchir sur autre chose. Le mot « penser » m'induit-il en erreur ? Sur ce que je considère être le fait, je pense. Déjà, la langue voudrait me laisser croire qu'il s'agit d'une faculté. Une sorte de faculté, en tout cas, parce que faculté, c'est déjà pas mal subtil. On ne sait pas trop ce que c'est communément une faculté. C'est une capacité, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Donc, avant de penser que c'est une faculté, qui est un terme ambivalent ou assez trouble, je vais le caractériser un peu. Je vais dire une faculté, mais au sens d'une institution. C'est stable, c'est là, c'est maintenu, c'est acquis, c'est fiable, c'est solide. La pensée, ça sonne à mon oreille comme la raison, l'entendement, l'esprit. Ce sont comme des salles des machines en soi, ou comme des usines. Des usines qui seraient dans nos têtes. En acceptant cela, j'aurais le préjugé bien inscrit en moi de considérer la pensée comme un acquis, non seulement pour moi, mais pour l'homme. Tôt et facilement, je suis tenté par l'idée que l'essence de l'homme, ou sa particularité innée, ou sa distinction, peu importe ici le mot qui distingue, mais il faut bien le voir comme un trait vraiment propre à l'homme, je suis convaincu, dès que je commence à réfléchir à ce sujet, que l'homme est un animal, certes, mais un animal qui pense. Je dis, dès que je commence à réfléchir, et ainsi utiliser le langage, faire réfléchir le langage, essayer de me poster, positionner proche de ce à quoi je réfléchis grâce aux mots, à me glisser entre les abstractions. Je dis, dès que je commence à utiliser le langage, en ce sens, parce que, dès mon plus jeune âge, je ne pense même pas que l'homme est un animal. En fait, je suis tenté par tout de suite dire que l'homme est tout autre chose qu'un animal, et à réciter ma leçon de petit homme, l'homme a conscience de soi, l'homme pense, l'homme... L'homme est une évidence donnée à soi, pas besoin d'y penser. Descartes pourtant nous glisse bien l'idée de durée dans la citation que Maître Jean nous a lue il y a quelques minutes, savoir que René se pense certain d'être et d'exister tant qu'il pense. Autant de temps qu'il pensera, il sera sûr d'être. Je suis tant que je reste une pensée. Être et rester une pensée. Martin Heidegger écrira aussi que la raison, la ratio, se déploie dans la pensée. En tant qu'il est animal raisonnable, l'homme doit pouvoir penser. Si seulement il le veut. On retrouve l'idée de faculté plus subtile que la simple institution interne pensée. Là, penser est une faculté au sens de capacité. L'homme est en capacité de penser. Ça ne veut pas dire qu'il est sûr de pouvoir le faire. On peut être incapable de faire quelque chose dont on est capable. Il y a une condition ajoutée. S'il le veut, c'est donc un potentiel proprement humain, mais qu'on doit désirer, et même apprendre, nous dit Martin. À côté de cela, je vois bien que je vais trop vite à parler de penser, alors que je ne sais toujours pas ce que c'est. Le philosophe Martin Heidegger, dans son cours du semestre d'été 1952, vous pouvez retrouver tout ça dans le texte « Qu'appelle-t-on penser ?»« Was heißt denken ?» met en garde contre l'apparente univocité de la question. La question semble déjà résolue, alors que, nous dit Martin, déjà la moindre réflexion fait apparaître sa multiplicité de sens. On n'est pas là pour faire une imitation de cours académique, on ne traite pas le sujet « qu'est-ce que penser ?» On est parti de l'affirmation que je ne sais pas ce que je pense, parce que je ne sais pas ce que c'est que penser, et quand je conviens que je pense à quelque chose, je ne suis pas sûr de moi, je doute, et je doute autant de ce qui se produit dans la pensée, des productions de la pensée, que de la faculté elle-même. Je peux même dire que je ne suis pas satisfait, je ne suis philosophiquement pas satisfait de mon activité de pensée. Je voudrais autre chose que penser comme un homme, comme on m'a appris à penser. Car on m'a appris à penser le pensable. On ne m'a jamais appris à penser l'impensable, la face cachée des choses. Une face cachée qui n'est pas au-delà, au sens dans un ailleurs métaphysique, mais, je ne sais pas, par-delà, en dessous, à côté, sous mes yeux sans doute, mais que je ne le vois pas, et que ma pensée d'homme ne parvient pas convenablement à saisir quand je m'y essaie. Martin nous écrit aussi, à l'aube profonde du déploiement de son être, la pensée ne connaît pas de concept. Le concept est propre à la pensée philosophique. On a déjà cité plusieurs fois Gilles Deleuze dans Comme en passant pour donner un indice sur ce qu'est la philosophie, savoir l'activité créatrice de concept. Mais aujourd'hui, le concept n'est pas le sujet. On a entendu tout à l'heure la voix de Gilles sur ce qu'est avoir une idée. Mais c'était un peu bête de ma part parce que l'idée n'est pas non plus notre sujet. Je voulais attirer l'attention, ceci dit, avoir à l'esprit, pour moi aussi, tout de même, que la pensée ne se distingue pas de son activité. La pensée serait un potentiel, mais comme une faculté latente. J'aurais du mal à affirmer que tout le monde pense, que tout homme accède à sa capacité de penser, et pourtant, j'entends des gens parler, je sais qu'ils réfléchissent. Mais demeure en moi un doute véritable sur ce qu'est pensée, et sur son lien avec la raison. Même si je ne sais pas non plus ce que c'est encore. C'est peut-être idiot de ma part, mais est-ce que le langage, qui est le propre de l'homme, car nous seuls parlons, à proprement parler, nous créons du langage, nous y avons consacré une partie de l'épisode 8 sur l'animal, le langage c'est tout autre chose qu'un moyen de communiquer, c'est tout autre chose qu'un tableau de correspondance entre des signifiants et des signifiés. Je disais donc, est-ce que le langage suffit à penser ? Alors, je suis entre deux eaux, entre le « je pense » de Descartes, en tout cas ce que je crois être le « je pense » de Descartes, qui m'apparaît comme une activité fébrile, un quasi-état plus qu'une activité, une faible lueur dans l'obscurité, une pensée qui ne pense à rien, un vrombissement de moteur, une lueur de conscience sur le monde, un regard réfléchi. Je veux dire, un regard qui a conscience d'être un regard. Je suis coincé dans cette image d'un pauvre je pense, je suis, j'existe, mais sans bras, ni jambes, ni tête, juste une pensée, qui même si elle ne peut penser sans cette tête, demeure à soi, en soi, voire soi tout simplement, un soi dénudé, sans aucun attribut, sans bruit, dans le silence, juste exister, sans exister encore quelque part, sans l'idée en tout cas de ce quelque part, je suis entre deux eaux, entre le je pense et ce que c'est que penser, qui m'apparaît comme une chose complexe et une activité, l'activité de penser. On n'est plus à se demander quelle est la certitude absolue, ce que je peux affirmer sans hésitation de soi, ou... On en est alors à se demander ce qu'est une pensée qui pense, ce que c'est qu'un homme même, puisque on nous dit que l'homme est un animal raisonnable, mais qui est tout juste en capacité d'exercer sa pensée. Bref, je ne sais pas ce que je pense. Ce podcast touche à sa fin. Je remercie du fond du cœur Jean du Papa Podcast, j'allais dire. Oui, parce que son site internet c'est papapodcast.fr et son Twitter c'est Papa à quoi tu joues. Il s'agit de Jean du podcast Papa à quoi tu joues. Ça peut vous intéresser, soit si vous aimez déjà le jeu vidéo, ça sera sympa. Puis si par exemple vous avez des enfants qui jouent de temps en temps, qui vous parlent de Call of Duty, de PUBG, de trucs et de machins que vous n'y connaissez rien, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, vous écoutez une fois ou deux, vous allez voir, ça va déjà vous... probablement en tout cas changer votre rapport à tout ça, puis comme ça vous pourrez parler avec vos enfants de jeux vidéo. Sinon, nous on se retrouve dans deux semaines, donc le 28 octobre plus précisément, pour un épisode intitulé Dormir. Ça sera sur l'insomnie, mais je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Et puis, après, on fera une petite pause le temps de mes vacances. Je vais prendre des vraies vacances. On se retrouvera le 25 novembre, oui, le 25 novembre, avec un épisode participatif. Ça s'appellera Récit de jeu, et j'y participerai, mais il y a aussi d'autres voix célèbres, beaucoup plus célèbres que la mienne, qui participeront a priori. Et puis là, je compte sur vous, ça serait beaucoup plus sympa s'il y a 5, 6, 7 participations, je ne sais pas pourquoi pas rêver. Il s'agit de raconter, de faire le récit, pas forcément d'une partie entière de jeu vidéo, mais d'un moment vidéoludique qui vous a marqué. C'est très libre, vous faites comme vous voulez, vous enregistrez. Vous m'envoyez le fichier sonore, par exemple, ça peut être soit vous vous mettez dans la peau du personnage, soit vous mêlez vos impressions de joueur au personnage. Enfin, c'est assez libre, ça peut être un poème, ça peut être décrit comme une fable. Voilà, c'est un petit texte lié au jeu vidéo, à du gameplay, enfin à une partie de jeu vidéo. Voilà, même un FPS, d'écrire, vous voyez, Battlefield 1, vous pourriez vous inspirer des lettres des soldats de la guerre 14-18, des célèbres lettres, vous les imitez, enfin vous en reprenez le style pour décrire ce qui se passe dans une partie de Battlefield 1. Moi je pense que je vais peut-être faire ça, ou alors raconter une petite partie donc de Rainbow Six Siege, qui est un FPS aussi, mais dans notre genre. C'est des petites parties qui durent 3 minutes, il faut rentrer dans une maison, déloger des terroristes. C'est pas vraiment ça, mais bon, on va dire qu'on va résumer ça comme ça. Manière de témoignage des membres de forces spéciales, vous savez comment on en a à la télé quand il y a une attaque, une intervention. C'est peut-être pas très bon goût, mais bon, je sais pas. Sinon, ça peut être aussi une partie de Zelda qui vous a fasciné à un moment précis, où vous trouvez un objet incroyable, un combat de boss, ça peut être plein de trucs. Hein. Vous trouvez, voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc vous pouvez envoyer éventuellement ça sur directement par mail ou sur WeTransfer si c'est vraiment long. podcastcep@gmail.com, enfin vous allez sur le site podcast.fr, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Et après cela, bah, probablement, il y aura le résultat de mes enregistrements pendant les vacances, je serai à Taïwan. Je crois que j'aimerais bien vivre à Taïwan. J'y suis jamais allé, mais je crois que j'aimerais bien vivre là-bas. Voilà. Il y a la Corée du Sud aussi, ça, j'y suis déjà allé, j'aimerais bien vivre là-bas. Mais Taïwan, ça... Ouais, je pense que je vais vivre à Taïwan. Allez, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager l'épisode, à dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vraiment beaucoup aimé et que vous ne l'avez jamais dit, bah dites-le. Allez sur iTunes, mettez 5 étoiles au podcast, ça aidera à son référencement. Parce que pour l'instant, Apple, sans raison exprimée, me met en avant de temps en temps. Là, j'ai pas regardé si c'était toujours le cas. Ça change pas grand-chose, mais bon, en tout cas, si ça venait aussi des poditeurs, comme on dit, on le fait pas assez souvent, c'est une petite minute. Moi, je le fais, hein, pour tous les podcasts que j'aime bien, je suis allé vous mettre 5 étoiles, un petit commentaire, j'essaie de retweeter le plus souvent pour que ces gens soient écoutés. Moi, même si c'est un peu spécial ce que je fais, je pense qu'on n'a pas touché tout le monde, tous les gens qui aimeraient découvrir comme en passant. Allez, à très bientôt et merci encore d'avoir écouté, salut!